m'a déçu, moi n'a qu'un temps. di kwela be mama toujours côté kento imi kenunda mbongo mama samuna venir ule muke kwela ngesherie comprendre ule nakobala yo mama affaire Comprendre, ou les n'a pas la yo mama a fait.